gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Monster. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Collin. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, un événement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très très heureux de vous retrouver en ce samedi 5 juin. Eh oui, nous voilà déjà à la fin de l'année scolaire, en tout cas tout doucement pour ceux qui sont encore concernés par les années scolaires. Moi, ça fait longtemps que c'est derrière moi. La météo aujourd'hui, eh bien, c'est pas le top du top, hein. Bon, enfin, comparé à hier, ça va encore, parce que hier, en tout cas sur Luxembourgville, on a eu des trompes d'eau, je vous dis pas. C'était assez impressionnant. Moi, je me souviens pas avoir vu un truc pareil depuis très très longtemps, voire jamais. Alors aujourd'hui, eh bien, nous avons pas mal de bonnes choses à voir ensemble, ou plutôt à écouter ensemble, plutôt. C'est, en radio, c'est plutôt les oreilles qui fonctionnent que les yeux. On aura pas mal de nouveautés, on aura un super power play, je vous en avais parlé le mois dernier. On aura notre capsule BD comme chaque mois. Et puis donc, toujours le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Comme nouveauté, Mila Orin. On ira faire un petit tour sur le nouvel album de notre ami chypriote Arda, avec son groupe Arda and the Stolen Moon, ce sera plutôt en fin d'émission. Quoi d'autre? On écoutera Roger Johnson and the Rialto Valley Regulators, David Messi avec son nouveau single. Et puis, hasard de la programmation, nous allons commencer cette émission numéro 431 avec le même morceau que le mois dernier. Bah oui, ça c'est un curieux hasard, ça n'est pas fait exprès, c'est tombé comme ça. Nilsson Southern Harmony, Pray Like You Mean It. Il sera suivi ensuite de Gilbrich avec un morceau intitulé Trumpetaren. Allez, bonne fin d'après-midi. Je sais pas où vous nous écoutez, en voiture, à la maison, dans les magasins, sur la terrasse, en train de siroter un cocktail, dans votre bain, peu importe. En tout cas, ne changez rien. Vous êtes là où vous ne pourriez pas être mieux en ce moment. Allez, tout de suite place à la musique avec tout de suite donc. Nilsson Southern Harmony, Pray Like You Mean It. Put your faith in snake oil till the taste is getting stale. You put your trust in politics that only seem to fail. Now might be the time to drop down to your knees and pray like you mean it. Pray like you mean it. Place your bets on Armageddon and you play hell to win. Sell the message of the good book, take the prophet out in sin. Now might be the time to drop down to your knees and pray like you mean it. Pray like you mean it. Pray. Yeah. Saying words without the wisdom that have no real support from deep down conviction. you have one last resort. Now might be the time to drop down to your knees and pray like you mean it. Pray like you mean it. Turn your shoulder to a destiny that awaits you when you're gone. All that flirting with the hatred misery has preyed upon. Now might be the time to drop down to your knees and pray like you mean it. Pray like you mean it. Pray. You mean it. Pray like you mean it. Pray like you mean it. Pray like you mean it. Axel, vi började gå. Sångerna steg mellan berg över gård. I tusental gick vi som en enda kropp. Luften fylld av tro och hopp. Det var mitten av maj i den vackraste vår. Vi hade fått nog, för hungern den var svår. Vi närmade oss Lunde, skulle samlas där. Men plötsligt skrek någon militär. Och det var fem som föll. Marken färgades röd, men trumpetaren höll luften och blåste eldupphör. Det var Ture Andersson som råkade vara där. Med sin trumpet stoppade militär. Men för de som föll var det redan för sent. Men han räddade många fler. Och det var fem som föll. Marken färgades röd, men trumpetaren höll luren mot luften och blåste eld och pär. Bergström, Viktor Eriksson, Sture Larsson, Evert Nygren och Eira Söderberg. Alla som sköt gick fria denna dag. Men Tore skulle straffas av Svea rikes lag. Makten går fri, ja det är alltid så. la blå. Det var fem som föll. Marken färgades röd. Men trumpetaren höll luren mot luften och blåste elden. Hi, my name is Monica Jalili, and you're listening to Planet Indie. Bonjour, c'est Donivic de la Scarlet Blonde, et vous écoutez Planet Indie. Hi, this is Chris from the band Mr. Hunter, and you're listening to Planet Indie. En arrière à l'instant avec un souvenir qui nous ramenait pratiquement jour pour jour 2 ans en arrière, puisque c'est un single qui est sorti le 17 mai 2019.

pour la plupart de son œuvre de musique de film, Jan Weber. En 2004 est paru le premier album, un album qui s'appelait Flügel, et puis ensuite en 2009, Silent Green, deux albums aux sonorités, eh bien, on va dire dark ambient, voire industrial, qui mélangeaient des mélodies mélancoliques avec des sons industriels brutaux, quasiment brutaux, voulais-je dire. Et puis depuis 2009, eh bien, ce fut le silence complet. Jan Weber a aussi fait partie d'un groupe qui s'appelait Impressions of Winter. Au cours de son parcours, il a croisé notamment le groupe. Il a croisé le chemin de Nadine Stelzer, plus connue sous le pseudonyme de Nadia Della Giura, qui performait essentiellement et voire même occasionnellement comme chanteuse pour le groupe allemand In Strict Confidence, un groupe aussi dans la même veine, électro-industriel. Il la convainc de le rejoindre dans son projet Art Noir, puisqu'il avait déjà en tête ce nouvel album sur lequel il avait commencé à travailler depuis 2015. Je parle de ce nouvel album, mais je me rends compte que je ne vous ai même pas encore dit le nom de cet album. Il s'intitule Poems of an Extinct Species. Du coup, la voix éthérée de Nadia apporte des sonorités plus atmosphériques, voire même cinématiques, à une production qui se veut plus aérienne que les précédentes. C'est un album qui est sorti chez Einhaus Records, nos amis là-bas du côté de Leipzig. Je vous propose d'en écouter un premier extrait. J'ai choisi le morceau All They Left Behind, un morceau qui se situe en plein milieu de cet album. Et je vais vous mettre une vidéo sur notre groupe Facebook, puisque, vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, vous tapez Planet Indie et puis rejoignez le groupe. On est à peu près 200, c'est sympa, il y a pas mal d'artistes que vous entendez dans les différentes émissions, les différentes programmations de Planet Indie, donc vous pouvez même directement interagir avec eux si vous le voulez, et puis voilà, c'est sympa. Allez, on écoute tout de suite Art Noir, All They Left Behind, extrait de l'album Powerplay, qui lui s'intitule, donc je vous le rappelle encore, Poems of an Extinct Species. Powerplay. Powerplay. Thank you. J'espère que ce premier morceau, ce premier extrait de l'album de Art Noir, Poems of an Extinct Species, vous a plu. On en écoutera encore deux autres morceaux d'ici 18h30. Pour l'heure, on poursuit avec Ben Lorenzen, All Knives Out. I was talking to God. I was talking to God. I was whispering the word and heard the saddest of songs. I was talking to the walls. I was talking to the floor. And then a shiver through the ages found a pathway to my door. Say, will this day be the day? Say, all knives out, let the color come out loud. Knives out, let them know what it's about. Knives out now. If I could scream and shout, all knives out. Thank you. 60s had that mad mod Carnaby Street. When four young lads from Liverpool brought London to its feet. The Beatles were more country than country music is today. Likewise those burritos flying so high above L.A. In a cosmic cowboy centrifuge, spinning music with my muse. There's a certain je ne sais quoi, my friend, that's really lit my fuse. A hippie hootin' and a hip fandango and much more. Everything's come together on the Waldorf's 31st floor. Champagne flutes and nudie suits and girls who went to Harvard will saunter down the slick side from Wall Street to the churchyard. Get off the dime, take some time, listen, look around. Substance over form, the modern Americana sound. Well, the music scene is different now, and videos play their part. Fist fighting bros and beater tees looking anything but smart. The pose so disingenuous, they really ought to be embarrassed. Take the bumpkin out of the country, boy, anyone from Paris. Mindless party songs portraying ignorance's bliss. Filthy backward feet caps, really, what the hell is this? Country is a state of mind, not a statement about a truck. It's more than redneck fools, there are no rules. What the? Next best thing, maybe, then again I won't. Maybe you fly the stars and bars, but rest assured I don't. Maybe I'll play country, maybe country will play me. Whatever way the wind blows, well I guess we'll have to see. Till then I'll pour a glass of cognac over sweet pralines and cream. Love my saucy darling, PhD, with her lips of aubergine. I'll enjoy the modern loach life like they say, noblesse oblige. It's a dirty job that must be done, so baby, why not me? Champagne flutes and nudie suits and girls who went to Harvard will saunter down the slick side from Wall Street to the churchyard. Get off the dime, take some time, listen, look around. Substance over form, the modern Americana sound. Ooh la la la, ooh la la la, ooh la la la la. Ooh la la la, ooh la la la, ooh la la la la. Ooh la la la, ooh la la la, ooh la la la la. Je vous parlais de cet artiste en présentant en introduction de cette émission. C'est le fameux Roger Johnson avec son Rialto, c'est Rialto Valley Regulators. Et on les écoutait avec un morceau intitulé Mad Americana. Avant de poursuivre la programmation musicale de ce jour, eh bien on va aller voir la programmation musicale de nos partenaires. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par l'abbaye Neumünster, qui nous propose eh bien toujours ses concerts apéro jazz du dimanche à 11h. Mais sachez que ceux de demain, à savoir celui du pianiste Philippe Villa et de l'accordéoniste Frédéric Vial, concert intitulé Anamorphose, eh bien Anamorphose, c'est le nom de leur groupe, et Passe-temps, c'est le titre de ce concert. Ou c'est l'inverse, je ne sais pas trop. Eh bien, ce concert est déjà complet, de même que eh bien, la semaine prochaine, celui de Sholi Aynav. C'est un saxophoniste né en Israël mais qui s'est relocalisé à Luxembourg, eh bien son concert Animi est complet aussi. Si vous voulez participer à un de ses concerts apéro, eh bien vous devrez attendre le 20 juin pour écouter le pianiste et jazzman français Dorian Dumont avec son solo de piano. Ce sera donc le 20 juin à 11h, ou alors vous attendez le 27 et vous aurez la rétrospective Quintet et Chambal. Voilà, pour le reste, il y a un festival Big Bang annoncé le 2 juillet à 8h du matin. C'est une expérience Big Bang qui est un festival de musique destiné au jeune public. Donc ça commence avec les jeunes de 5 ans et plus. Voilà pour eh bien, nos amis de Neumünster. Pour le reste, eh bien, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur leur site internet www.neumünster.lu. Rockal et Culture Fabrique à suivre eh bien, dans les minutes qui viennent. Pour l'heure, nous on écoute un groupe qui déménage un peu plus, ça s'appelle Castle Black, Dead in a Dream. Et avant cela donc, celui qui déménage plus, c'est surtout The Giving avec le morceau Sick. Ben, j'espère que en cette période de pandémie, c'est pas votre cas et que vous vous êtes en pleine forme. Hey, this is Derek Thompson from Strive and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Larry from Promise Lab and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Mindle Beach Markets and you're listening to Planet Indie. We'll be right back. Dead in a Dream, un groupe Castle Black, et avant cela c'était The Giving avec en nouveauté Sick. Je vous propose, si vous le voulez bien, d'aller refaire un petit tour sur l'histoire de Art Noir et ce fantastique album Poems of an Extinct Species. Ce n'est peut-être pas un hasard d'ailleurs complet, un hasard complet, si le précédent album de Art Noir s'appelait Silent Green, et si Jan Weber est resté complètement silencieux pendant toutes ces années. En effet, un grand malheur l'a assailli quand il a été diagnostiqué, souffrir de sclérose latérale amyotrophique, une maladie connue aussi sous le nom de maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative grave se traduisant par une paralysie progressive des muscles de la mobilité qui affecte également la parole et la production de son. C'est effectivement particulièrement gênant quand on est un artiste-compositeur. Jan Weber a donc posé le cadre de cet album tant qu'il était encore capable de bouger ses doigts. Ensuite, il a dû faire usage d'un équipement tout à fait spécifique qui permettait d'aider à la communication en suivant le mouvement de ses yeux, afin de terminer l'enregistrement au cours des cinq années qui viennent de s'écouler. Il a aussi été rejoint pour la production, le mixage et la masterisation de l'album par Thomas Navast de Lost in the World et Stéphane Vesper notamment de In Strict Confidence. Donc on voit que la connexion a fonctionné à plein régime entre Jan Weber et le groupe In Strict Confidence, puisque Nadia Stelzer ou Nadia Della Jura était aussi chanteuse occasionnelle pour ce groupe. On peut dire et constater que dans le monde actuel, où les progrès sans précédent et les outils technologiques sont devenus des compléments et des extensions presque inévitables, voire indispensables, de nos systèmes moteurs et de nos sensations, l'album Poems of an Extinct Species peut être vu comme une ode à la nature humaine, à sa capacité d'adaptation inépuisable, multidimensionnelle, tant dans le temps que dans l'espace. C'est en effet grâce à la combinaison de cette faculté d'adaptation et des progrès technologiques sans précédent que cet album a pu voir le jour. La première éclosion en fut avec la sortie en octobre dernier de la version radio de cet extraordinaire morceau Thorn and Lilies, que l'on pourrait traduire par des épines et des lys, qui a permis de donner la couleur nouvelle du projet. Je vous propose de l'écouter sans plus attendre, ou de le réécouter puisqu'on a déjà eu l'occasion de le diffuser dans le cadre de cette émission. Et si ça vous plaît, je vous en ai mis la vidéo officielle sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre, et j'en profite aussi pour vous donner par la même occasion l'adresse de notre site internet, c'est www.ilovemusic.ga, www.ilovemusic.ga. Voilà, Thorn and Lilies, c'est le single issu de cet album Poems of an Extinct Species. C'est notre power play aujourd'hui pour cette émission numéro 431 de Planet Indie. Power play. Power play. développer un tout petit peu ce morceau parce qu'il fait presque 8 minutes et le temps passe. Et donc, si vous voulez le découvrir en entier, je vous invite à aller voir la vidéo donc, que j'ai postée sur notre groupe Facebook. C'est le single officiel de cet album, Poems of an Extinct Species, du projet allemand Art Noir. Et le single s'intitule Thorn and Lilies. Bon, on va le laisser en arrière-plan pour parler du programme musical de la Rockhall pour ce mois de juin, qui sera marqué essentiellement par la nouvelle édition du Rockhall Garden, pop-up culturel qui accueillera eh bien, cet été, et ça commence donc déjà au mois de juin, plus d'une vingtaine d'événements en plein air. Le centre de musique amplifiée Rockhall va investir pour la seconde fois l'espace urbain de Belleval durant la période estivale à travers une offre culturelle éphémère, le Rockhall Garden, en collaboration avec le Rockhall Café. C'est à nouveau sous la canopée de sa terrasse arborée que le pop-up culturel Rockhall Garden accueillera une série de plus d'une vingtaine d'événements live en plein air à partir du vendredi 18 juin. Le programme de cette nouvelle édition s'inscrit dans une volonté de soutien aux acteurs locaux et indépendants de la culture luxembourgeoise de la grande région. Ça se fera à travers une série de soirées et d'après-midi préparées avec soin où chaque acteur prendra possession du Rockhall Garden pour en faire son terrain de jeu culturel. Ça commence le 18 juin avec Favela Chic et Jardin Botanico. Le 20, Electronic Chill No. 1. Le 27, ce sera Electronic Chill, je vous laisse imaginer, No. 2. Voilà pour le mois de juin. Au mois de juillet, il y aura notamment le vendredi 2 juillet une soirée rock'n'roll, rock'n'brawl, spécial rock belge, notamment proposé par les gars de Eclectic Guys de Virton. Et puis le 3 juillet, drag show proposé par le cabaret Barnum. 3 juillet, c'est aussi la date de notre prochaine émission. Et puis il y aura aussi notamment le concert du 28 juillet de Simple Minds est postposé à une date ultérieure. Pour la suite des concerts, eh bien, on verra ça au cours de notre prochaine émission. Et puis si vous voulez déjà regarder le calendrier, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, www.rockhall.lu. Nous, on continue, musicalement parlant, avec Eddie Sevi, Talking to Myself, et puis notre ami Giovanni Zorzi, qu'on a découvert il y a un mois ou deux, avec un nouvel extrait de son album. On écoutera le morceau Animals. Yeah. Animals, c'est le titre de ce morceau de Giovanni Zorzi. Il y avait aussi un album de Pink Floyd qui s'appelait Animals, dans un style un peu différent. Hein. Là, l'album de Giovanni Zorzi s'appelle quant à lui Born Again. 18h07, eh bien, je vous propose de découvrir la BD du mois. C'est une BD qui s'appelle Le Tatoueur. Le résumé en est le suivant. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est le principe que Zoli, tatoueur de son état, s'évertue à mettre en pratique. Hongrois d'origine, quelques problèmes personnels l'ont contraint à trouver refuge à Paris. Même si Budapest lui manque beaucoup, il s'en sort plutôt bien. Ses talents sont très recherchés par une clientèle huppée et ses créations sont des œuvres uniques. Un soir, il est ramené par Laszlo, qui lui tient des propos étranges. Des choses graves sont en train de se passer, mais sans lui donner plus de précision. Bientôt, il lui demande d'aider sa confrérie de chauffeurs de taxi qui désire renverser l'ordre établi et éliminer ceux qui se croient au-dessus des lois. Zoli le prend au mieux pour un mythomane, au pire pour un terroriste. Mais au cours d'une autre conversation, Laszlo lui conseille de ne pas sous-estimer la puissance de cette organisation secrète. Les chauffeurs de taxi connaissent tout de nous. Nos habitudes, les endroits où nous mangeons, où nous dormons, tous nos secrets. S'il décide de s'en servir, il est dans l'intérêt du tatoueur de se ranger du bon côté. Zoli commence à s'inquiéter du piège et se demande comment faire pour éviter de se retrouver mêlé à ce qui ne peut manquer d'être illégal, violent, voire meurtrier. Plongez donc en plein thriller, à l'ambiance noire et lourde, une plongée imprégnée de complotisme et de paranoïa, entre un tatoueur qui veut éviter d'être repéré par ses ennemis et ne comprend pas ce qui lui tombe sur la tête, des taximen qui se sentent menacés par des événements graves un peu partout, jusqu'au client tatoué, dont on ne sait quasiment rien, mais qui possède un pistolet et dispose d'amis prêts à rappliquer à toute heure et que l'idée de se débarrasser d'un témoin gênant ne perturbe pas le moins du monde. Le scénario est truffé de zones d'ombre et d'énigmes. Ce plaisir de l'imaginaire est inhérent à toute lecture, mais on aimerait par moments avoir, si pas plus de réponses, du moins plus d'indices. Par exemple, au sujet des motivations sous-jacentes de la confrérie des chauffeurs, ou de l'identité et des prétendus torts reprochés aux clients. L'auteur laisse énormément de temps à l'intrigue et à la tension psychologique pour s'installer, mais ensuite ne lui en accorde que très peu pour se dénouer par une sorte de deus ex machina, comme s'il avait dû rogner sur la trame pour rattraper le temps perdu et boucler son récit en 48 pages. C'en est passablement frustrant, tant l'idée de départ était bonne et originale. Le sombre domine aussi l'esthétique, à commencer par la couverture, superbe tout en noir, avec en surimpression brillante l'une des œuvres de Zoli. L'essentiel de l'action se déroulant la nuit, la palette s'étire le long d'un éventail de couleurs en conséquence et les tailles de cases jouent la dynamique avec plus ou moins de réussite. Les dessins mis sur les contrastes, les ombres et les clairs obscurs, ils sont dans le ton et nous montrent l'essentiel avec certaines faiblesses comme cette case où les postures de l'assassin, fuyant et des témoins semblent statiques et peu naturelles compte tenu de la situation. Et bien en conclusion, ce polar aurait tiré grand bénéfice d'une rallonge permettant de mieux exploiter ce manichéisme inattendu. Il en reste néanmoins un bon divertissement avec un dessin plaisant. Il confortera surtout les craintes des angoissés qui redoutent tout et tout le monde. D'ailleurs, il n'y a pas que sur Internet, et ce livre le prouve, il n'y a pas que sur Internet que l'on laisse des traces. Pour les mordus de tatouages, cet art n'est pas le cœur de l'affaire. C'est juste un prétexte permettant de faire entrer le protagoniste principal dans le cadre du scénario. Voilà donc pour cette BD intitulée Tatoueur, une BD de Mats et Futaki sortie chez Grand Angle au printemps de cette année. Je vais vous mettre donc la conclusion sur la page Facebook et puis il y avait aussi la couverture de la BD comme je le fais chaque fois. Et puis vous retrouvez la fiche de lecture complète sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Voilà, et puis sinon vous tapez Planet Indie dans Google et vous nous retrouverez sans problème. Allez, poursuivons avec la musique et Mala Oreen, un morceau intitulé Offspring. Void in the open space I'm employed to conceive the sea that will grow and reveal its face in its own secret pace and breathe. You spray from these open lips, you teach me a thousand words, you reach through my fingertips to immerse my to provoke my faltering heart. Challenge me with each struggle I've got, and it will need all courage from my part to say loving you is loving me a lot. You are my child. You are. Mala Oren avec Offspring. On va poursuivre avec une autre chanteuse à la voix très plaisante. Elle s'appelle Arda Gevarian, elle est chypriote, elle est née à Beyrouth et elle est accompagnée avec ses voleurs de Moon, puisque son groupe s'appelle Arda and the Stolen Moon. Je vous l'avais annoncé si vous êtes partie de notre de groupe sur Facebook, je vous l'avais annoncé un peu plus tôt dans le mois pour en vous disant bien qu'on allait écouter un extrait de cet album et je vous ai mis la vidéo du morceau qu'on va écouter. C'est un morceau qui s'appelle Upset the Apple Cart. C'est un morceau qui parle, qui est écrit sur le thème de la violence faite aux femmes. C'est un thème très d'actualité en ce moment. C'est extrait du nouvel album de Arda, un album qui s'appelle Outsider in Perpetual Motion. On l'attend aussi depuis quelques années, cet album. Et je voulais vous dire aussi que Arda, elle fait aussi partie de notre groupe Facebook. Donc si vous aimez sa musique, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Et puis comme ça, vous pourrez directement entrer en contact avec elle si vous le voulez, pour lui faire vos commentaires, pour lui acheter son album. Pourquoi pas, parce qu'elle l'a sorti aussi en version vinyle collector. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous et puis vous lui laissez un petit message. Ça lui fera très très plaisir. Allez, on l'écoute, Arda and the Stolen Moon. Upset in the Apple Cart. Mais avant cela, elle nous dit un petit bonjour. Hi, this is Arda from Arda and the Stolen Moon. Thank you, Planet Indie, for being the first radio station to play our songs and for supporting indie bands all over the world for 20 years. Apple cart. the apple cart. Now I don't want to spoil your dinner with stories of women getting abused and genitalia mutilation in Sierra Leone. If you don't know where that place is, if you don't have a clue what I'm talking about, doesn't mean what I'm saying is false. And I don't mean to wreck your mood with the trafficking of women sold as sex slaves, or the western wife with the blackened eyes and swollen lips caused by her drunk beta male. Upset the apple cart. Voilà, c'est un extrait du nouvel album qui nous vient de Chypre, Nikosi Arda and the Stolen Moon, Upset in the Apple Cart, et l'album s'intitule Outsider in Perpetual Motion, et vous retrouverez aussi cette vidéo sur notre groupe Facebook. Allez, 18h20, on a encore 10 minutes à passer ensemble, et on doit encore retourner sur notre album Powerplay, l'album Poems of an Extinct Species de Art Noir. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard, ce n'est l'album, pardon, Poems of an Extinct Species n'est sans doute pas dû au hasard, puisque, si vous rappelez-vous simplement ce que je vous ai raconté précédemment de la vie de Jan Weber. Cet album comporte 9 morceaux et en plus une version remixée, ce qui nous fait donc 10 morceaux. Bien que l'on se trouve principalement en face de son purement électronique, l'ensemble reste relativement varié et dynamique. On y trouve du pur ambient avec le morceau par exemple The End of Illusion, du Dark Wave sombre, c'est le cas sur le morceau The Imagine World, de l'électro-industriel d'avant-garde avec Pleasure and Pain, du synthé électrisant sur le morceau Moving Sky, pour revenir avec de la synthé, pop synthé bougeante, notamment sur la plage d'ouverture Gloomy Sunday, c'est le morceau que l'on va écouter dans quelques secondes. Il y a assez bien de mélancolie, voire même de mystères gothiques et énormément de couches différentes. N'hésitez pas d'ailleurs à l'écouter encore et encore pour qu'il vous en révèle toute sa profondeur. Il y a beaucoup d'atmosphère et de mélodies plus accessibles, comme sur le morceau Thorn and Lilies que l'on a écouté tout à l'heure. On pourrait appeler ça de la magie ou du romantisme étrange, surtout lorsque l'on adjoint à la musique la voix envoûtante de Nadia ou Nadine, c'est selon, sur 6 des 10 morceaux. C'est bien une œuvre donc, qui témoigne de la passion énorme de Jan Weber pour la production musicale qui habite tout son être. Donc voilà, on va écouter le morceau Gloomy Sunday, la plage d'ouverture de cet album Poems of an Extinct Species, qui était notre powerplay aujourd'hui pour cette émission 431 de Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Black thought of ever returning you? Par Art Noir, le projet de Jan Weber. C'était notre Power Play aujourd'hui dans Planète Indie. On va se quitter avec un dernier morceau, le morceau Favorite Song de Catherine Britt. Non sans vous avoir parlé de la programmation de la Culture Fabrique avec aujourd'hui une session sold out de Nils and Guns et Bartleby Delicate. C'est la Aircheck session, donc c'est complet. Et la programmation pour le mois de juin se termine avec la francolofolie et la culture fabrique. Ce sera vendredi prochain à 11h. Je voudrais aussi vous parler en vitesse du Screaming Field organisé par la Rockal, le Rock Lab de la Rockal, qui est un programme annuel de soutien dédié au repérage, à l'accompagnement et à la promotion de jeunes artistes prometteurs de la scène musicale luxembourgeoise, englobant la pop, le rock, la musique électronique et le metal et le hip-hop. Ce festival, eh bien, il aura lieu cette année, mais bien sûr pas dans le cadre habituel d'un grand festival en salle, mais avec une belle sélection quand même des nouveaux groupes et artistes live les plus prometteurs sur une scène cosy en plein air. Quel que soit leur genre, pop, rock, metal, hip-hop, musique électronique, eh bien, les groupes et artistes luxembourgeois âgés de 12 à 25 ans peuvent suivre les traces des finalistes des éditions précédentes tels que Francis of Delirium, Maz, Child ou Sekarma et postuler pour l'une des places disponibles. Il suffit de remplir le formulaire en ligne et d'envoyer une courte vidéo d'une performance live ou d'une répétition. Un comité de sélection composé de promoteurs locaux, d'experts de la scène locale et du département booking de la Rockal déterminera ensuite les 6 artistes qui se produiront sur scène le 10 juillet. Voilà, eh bien, il ne vous reste plus qu'à aller sur le site de la Rockal ou même directement du Screaming Fields, c'est www.screamingfields.lu. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie, cette fin d'après-midi. C'était l'épisode numéro 431 de Planète Indie. On se retrouve donc le 7 juillet pour l'épisode numéro 432. Cette émission sera rediffusée dès demain aux mêmes heures, 17h-18h30, sur les fréquences de RGL, sur les fréquences DAB, sur le canal câble télédistribution aussi. Et puis vous retrouverez aussi le podcast sur le site internet de Planète Indie, www.ilovemusic.ga. Rejoignez-nous aussi sur Facebook. Et puis donc on se quitte avec Catherine Britt, Favorite Song. Et la prochaine émission en français sur cette fréquence, ce sera samedi prochain aux mêmes heures. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Bon samedi, bon dimanche, bon week-end et à dans un mois. Was riding in my dad's car. Think we went to a football game. So watching Knights and Sharkies play. He turned on the stereo and played me a country song. For a man of so few words, he found a way to be heard. Isn't it funny how the music moves in you? Says what you're thinking, feeling, puts words into a tune. Play me your favorite song, we can sing along. The one that you turn to when you're feeling blue. We got all night long, we can go on for one. Ooh, you can really get to know someone if they play their favorite song. Too much wine. You put on Light My Fire. You said it changed your life. And you sang out of key. But that didn't matter to me. Oh, we knew we were in trouble when we started seeing double. Isn't it funny how the music in the room says what you're thinking, feeling, before you even do. Play me your favorite song, we can sing along. The one that you turn to when you're feeling blue. We got all night long, we can go on for one. Ooh, you can really get to know someone if they play their favorite song. What you're thinking, feeling, puts words into a tune. Play me your favorite song, we can sing along. The one that you turn to when you're feeling blue. We got all night long, we can go on for one. Ooh, you can really get to know someone. So won't you play me your favorite song? You can really get to know someone if they play their favorite song.